Chapitre 7e. Malgré sa bravoure éprouvée, malgré son sang-froid, Maurice Vandol était agité d'un tremblement convulsif quand il s'enfuyait, comme un malfaiteur sur le chemin de halage après avoir vu tomber mort son adversaire. Ces dramatiques événements s'étaient déroulés avec une telle rapidité, surtout avec une telle invraisemblance, qu'il se croyait le jouet d'un cauchemar. Il suivait passivement cette femme caricaturale et tragique, dont la voix sourde répétait invariablement « Venez, mais venez donc !» Il protestait machinalement et disait sans trop savoir « Mais que va-t-on penser de moi ? Et les suites ? L'autre qui est mort là-bas ? Je serai complice d'un assassinat. Préférez-vous en être victime ? Allons, courez, le temps presse !» Il allait toujours, ne pouvant croire que cette femme étrange fût Germaine, dont il ne reconnaissait ni la voix, ni les traits, ni même la tournure. Quand ils furent montés tous deux dans la voiture, quand l'attelage fut parti au grand trot sur la route de Paris, la jeune femme releva son voile, retira ses affreuses lunettes et dit toute pâle de sa voix toujours saccadée « Maurice, mon ami, mon frère, me reconnaissez-vous enfin ? Germaine, chère sœur bien-aimée, dites-moi ce qui s'est passé, je ne sais plus. Ma tête se perd. Mon adversaire tué par vous. Oui, il le fallait. J'ai tout entendu. Votre pistolet n'était pas chargé. Vos témoins, mis dans l'impossibilité d'arriver à temps. On voulait vous assassiner. Oh, tout cela était admirablement combiné. Il a fallu un hasard providentiel. Mais comment vous trouviez-vous là ? Plus tard, vous saurez tout, Maurice. Ne m'interrogez pas. Je ne puis rien vous dire. Quand je connaîtrai tout, je vous apprendrai. Oh, c'est affreux, ces gens. Cet homme qui menait cette abominable intrigue. Mais enfin, pourquoi voulait-on m'assassiner ? Pourquoi ce gredin qui vous avait provoqué a-t-il failli jadis dans le parc de Bagatelle tuer mon pauvre Michel ? Cet homme, voyez-vous, était un spadassin au gage d'un autre. Cela, j'en suis sûre. Mais moi, pauvre artiste ignoré, vivant en dehors de toute intrigue. Vous aimez Suzanne de Mondieu. Suzanne vous aime. Puisque son père consent à une autre union, je ne vois pas. Quand vous serez rentré chez vous, mon ami, vous examinerez ce pistolet. Ensuite, vous le déchargerez. Vous verrez alors que ces misérables, qui ont empêché vos témoins d'arriver sur le lieu du combat, vous avez retiré tout moyen d'attaque et de défense. Oh, j'ai frémi en songeant que si je ne m'étais pas trouvé là, vous seriez étendu sur le sol maudit de cette maison du crime. Et que Suzanne, pauvre Suzanne. Oh, mon ami, pourquoi ne m'avoir rien dit ? Pourquoi m'avoir caché la provocation et la rencontre ? Car vous n'étiez pas le provocateur, n'est-ce pas ? Non. Je m'en doutais, et je me rappelle maintenant le sourire sinistre qui errait sur les lèvres du bandit quand je lui arrachais, moitié de gré et moitié de force, un consentement dont il voulait déjà s'affranchir. Un bandit ? Qui ? Lui ? Le père de Suzanne ? Oh, Germaine ! Maurice, mon ami, vous êtes-vous demandé pourquoi et comment j'avais pu ainsi, en quelques minutes, forcer la volonté du comte de Mondieu qui tout d'abord vous refusait sa fille ? Non. Dans l'égoïsme de votre bonheur, vous ne vous êtes pas donné la peine de réfléchir à ce que tout cela pouvait avoir d'invraisemblable, d'impossible, d'incohérent. Le comte de Mondieu accordant sa fille à un homme qu'il déteste, et cela dans une loge de théâtre, à la sollicitation d'une étrangère, d'une inconnue. C'est vrai, Germaine. Il fallait que les motifs invoqués par vous fussent bien irrésistibles pour amener un tel revirement. Germaine eut un sourire navré qui crispa douloureusement ses lèvres, et pâlissant encore, elle ajouta. Oui, bien irrésistible, en effet. Il faut que ce soit vous, Maurice, pour que je puisse ainsi remuer ces affreux souvenirs qui montent autour de moi comme une marée de fange. Mais je vous dois tant. Je vous en prie, ne parlez pas, s'écria le peintre effrayé de l'exaltation de la jeune femme et craignant d'apprendre quelque chose d'atroce. Bah, un peu plus tôt, un peu plus tard, vous devez savoir. Eh bien, le misérable qui m'a déshonoré, là-bas, dans la maison du crime et qui sera celle de l'expiation, le bandit des mains duquel je me suis enfui, quand les chiens déchiraient ma chair, quand enfin j'ai voulu chercher un refuge dans la mort, c'est... C'est le comte de Monthue, le père de votre Suzanne. Comprenez-vous maintenant ? Oh ! Fit atterré Maurice. Mais ce n'est pas tout. Aux yeux du monde, à la rigueur, cela peut n'être qu'une peccadille, une façon d'aimer un peu brutale. On est indulgent pour la galanterie. Germaine, je vous en supplie. J'ai commencé. Il vous faut maintenant apprendre que je ne suis pas sa seule victime. Cet homme, qui se joue ainsi de l'honneur des femmes, se joue de l'existence des hommes avec le plus horrible cynisme. C'est un bandit, sans foi ni loi. J'ai des présomptions, presque des preuves. C'est affreux ce que vous me dites là. Et Suzanne, pauvre Suzanne, la fille d'un tel monstre. Oh oui, un monstre. Et je me demande même s'il est en sûreté près de lui. Oh, pour cela, c'est impossible. Quelqu'un digne qu'il soit, la vie de son enfant lui est sacrée. Les tigres et les loups aiment leurs petits. Mais est-elle bien sa fille? Que dites-vous là? J'ai un doute, il me faut du temps pour l'éclaircir. Cela serait mieux ainsi, et il n'y aurait qu'un crime de plus à l'actif de ce gredin. Oh, Suzanne, qui du moins légalement est sous sa domination. Oui, aux yeux de la loi et du monde, elle est sa fille. Peut-être aussi par le sang. Je ne sais rien de formel. Bientôt je serai certainement édifiée. C'est pour cela que tout à l'heure je parlementais avec cette hideuse vieille, la tenancière du bouge. Quoi qu'il en soit, Suzanne n'est plus en sûreté là-bas. C'est épouvantable. J'ai de bonnes raisons pour le croire. Que faire? Germaine, aidez-moi, conseillez-moi. Vous n'avez qu'un seul moyen. Il faut résolument l'employer. Et ce moyen, c'est d'enlever Suzanne. Que dites-vous là, Germaine? Auriez-vous ces sots préjugés qui sont de mise dans ce que vous appelez le monde? Non, certes. Je sais bien que cela produira un tapage énorme dans cette mare aux grenouilles appelée le lac du Bois de Boulogne, la fille du comte de Monthue enlevée par un peintre. Qu'importe. Je veux qu'elle vive, moi. Et cette accusation formelle portée par une femme comme vous, Germaine, que j'aime et respecte comme ma sœur, est terrible. Mais Suzanne consentira-t-elle? Je le crois et l'espère, Maurice, car sans cela elle ne serait pas digne de vous. Vous l'avez dit, il y a le monde, les préjugés. Si elle vous aime comme vous le méritez, elle bravera tout. Je ne puis croire qu'elle soit au nombre de ces poupées à ressorts, minaudières et vaines, qui se regardent comme pétries d'une autre pâte que nous, filles du peuple. Suivez mon conseil, Maurice, et n'hésitez pas, car de votre énergie, de votre résolution, dépend votre bonheur à tous deux. J'obéirai, Germaine. Je vous offrirai pour elle un asile inviolable, où elle défiera toutes les recherches, et où elle sera sous la sauvegarde de gens qui la protégeront envers et contre tout. Oh, chère Germaine, que de reconnaissance ne vous devrons-nous pas, à vous qui avez déjà tant fait. Ne me remerciez pas, et agissez sans retard. D'autre part, laissez agir vos ennemis relativement à tout ce qui concerne la mort du baron de Maltaverne. Ces gens-là inventeront quelque chose, trouveront un motif naturel à cette mort tragique, et vous ne serez nullement inquiétés, vous verrez. Maintenant, quand nous serons entrés dans Paris, je vous descendrai au boulevard de Ceinture. J'ai besoin d'être seule, vous aussi pour bâtir votre plan et sauver votre fiancée. Et elle ajouta mentalement, « Si elle est réellement la fille de mon Dieu, ce sera le commencement de ma vengeance. Il souffrira dans son amour de père, sinon il sera rudement atteint dans son orgueil et dans ses intérêts. » Inquiet, nerveux, préoccupé, on le serait à moins, le comte de Monthue sortait de son hôtel aussitôt le déjeuner fini et, pour tuer le temps, se rendait à pied chez Germaine qu'il éprouvait un besoin irrésistible de revoir. Sa passion pour la jeune femme s'exaltait encore, s'il est possible, et arrivait à un tel paroxysme qu'il songeait encore et très sérieusement à recourir de nouveau à la violence. Après tout, pourquoi pas? Les temps étaient bien changés depuis le jour où il l'avait enlevée la nuit à sa porte rue Pouchet et l'avait emportée toute pâle, toute échevelée, dans cette maison où venait de succomber Guy de Maltaverne. Aujourd'hui, Germaine, riche, menant grand train, lui semblait plus accessible que jadis, et il aimait à se figurer que là où l'ouvrière avait résisté, la mondaine capitulerait. Il s'agissait d'abord de percer le mystère de cette fortune, et de connaître les conditions matérielles et surtout morales dans lesquelles se trouvait Germaine. Jusqu'alors, il n'avait été qu'un soupirant ordinaire, un peu plus passionné sans doute. Mais les événements s'étaient déroulés avec tant de rapidité depuis leur rencontre. Lui-même avait été si profondément remué qu'il n'avait pas pu agir. Homme de résolution avant tout, il se promit bien de rattraper le temps perdu et d'enserrer la jeune femme dans un invisible tissu d'intrigue et de percer à fond ce mystère irritant dont elle s'entourait. Tout d'abord, il projeta de lui détacher les plus fins limiers de sa police et de la soumettre à une surveillance incessante. Puis il songea qu'il serait essentiel de se ménager quelque intelligence dans la maison, en achetant à prix d'or une des personnes à son service. Tout cela était élémentaire, et il s'étonna de n'y avoir pas pensé plus tôt. C'est dans cette situation d'esprit qu'il franchit la porte de l'hôtel de la rue Euler, le cœur battant, agité par cette émotion poignante qu'il ressentait toujours quand il s'approchait de Germaine. Pour la première fois, elle le reçut dans son boudoir, avec une sorte d'intimité cordiale, qui, au lieu de le ravir, lui inspira une vague défiance. Et pourtant rien dans l'aspect de la jeune femme ne semblait de prime abord légitimer la moindre arrière-pensée. Très calme, l'œil clair, le teint reposé, elle achevait de parcourir les papiers épars sur une table. À l'entrée du visiteur, elle les réunit en tas, les enserra dans plusieurs chemises portant un nom et un numéro, puis les réunit par une sangle de fil pourvue d'une boucle. Après les premiers compliments, le comte, intrigué par cette besogne qui n'est point habituelle à une élégante, regardait les papiers épais, un peu jaunis et ayant une vague apparence d'administrative. Des titres de propriété, lui dit Germaine, puis des levées d'hypothèques, des inventaires. J'ai de l'ordre et je m'occupe de mes affaires. Mais cela vaut si à merveille, répondit le comte distraitement, l'œil tiré par différents mots écrits sur la couverture en caractères un peu plus gros. Il y avait deux mots surtout, commençant par un B majuscule orné de ces fioritures familières aux expéditionnaires. Et tout en marivaudant avec Germaine, il essayait sans en avoir l'air de lire à l'envers. Le deuxième mot renfermait deux T barrés très haut. Il songeait en réunissant par la pensée les trois lettres B, T, T et cherchait à deviner quelles pouvaient bien être les autres. Il eut tout à coup une sorte d'éblouissement. Il venait de se rappeler ce que lui avait dit le matin la mère Bachu au sujet de l'étrangère qu'il interrogeait sur Marquisette. La mégère avait un autre nom, la Barbette. C'était bien cela. Eh oui, à n'en pas douter, le mot écrit en demi-ronde, c'était « la Barbette ». L'autre mot, commençant également par un B, signifiait « Bachu ». Maintenant, il distinguait le H. Plus de doute, il aurait donné sa tête à couper que la chemise portait cette inscription. « Femme bachue, dite la Barbette ». Que pouvait bien être ce dossier? Sans doute un rapport de police, ou émanant d'une de ces agences de renseignement qui font de la police pour le compte des particuliers. Mais alors, Germaine, qu'il trouvait nantie de ce document, était bien la femme qui, le matin, avait interrogé la mère bachue, qui avait assisté au conciliabule précédant le duel. Tuer Guy de Maltaverne et délivrer Maurice Vandol. Mille tonnerres! C'était à ne pas y croire! Et tout en conversant avec une apparente liberté d'esprit, il ne pouvait s'empêcher de frémir. Germaine, elle, ne se doutait de rien, ne concevait même pas son imprudence. Elle écoutait le comte, cherchant à rapprocher certaines inflexions de voix de celles entendues le matin quand mon oncle parlait et se demandait toujours si ces deux personnages n'étaient pas le même homme. En somme, ils étaient face à face, comme deux duellistes se tâtant, étudiant réciproquement leur jeu avant d'engager une lutte suprême. « Ainsi, ma chère Germaine, disait le comte, vous êtes riche. Oh, tout au plus une honnête aisance, avec l'indépendance absolue. C'est quelque chose, à la façon dont vous mettez vos affaires en ordre, vous ne gaspillerez pas cette fortune. Certainement, il faut de l'ordre si l'on ne veut pas tomber dans la misère, comme cette pauvre Régina, qui a si vite fondu bêtement je ne sais combien de millions. Mais dites-moi, Germaine, cette fortune, vous la possédez depuis peu. Y aurait-il indiscrétion à vous demander comment elle vous est venue? C'est mon secret. Et je le respecte absolument, comme tout ce qui vient de vous. Germaine s'était levée, avait pris la liasse de papier et l'avait déposé sur une des tablettes métalliques d'un coffre-fort grand ouvert. Elle fit agir le secret, tourna les boutons, ferma ensuite la serrure à double tour et mit la clé dans sa poche. « Vous ne craignez pas les voleurs ? » demanda en souriant le comte. « Aucunement. Ces titres sont sans valeur aucune, et d'ailleurs mon coffre-fort défie toutes les tentatives. »« Bah ! Des réclames de marchands, incombustibles et incrochetables !» Et mon Dieu songeait à part lui. « Il me faut ces papiers, je les aurai. S'ils concernent réellement la mère Bachu, si Germaine connaît le secret de Marquisette et ses papiers me le prouveront, alors malheur à elle. Oui, je la sacrifierai sans pitié. Je la mettrai pour jamais dans l'impossibilité de nuire. » Il reprenait tout haut, toujours galant et empressé. « En vérité, Germaine, vous êtes plus que jamais en beauté. »« Allons bon, encore du madrigal !» interrompit-elle avec son rire perlé qui toujours déconcertait son interlocuteur. Et que voulez-vous dire autre chose en présence d'une femme telle que vous, sinon manifester l'admiration qu'elle inspire? Tenez, Germaine, je serai franc. Donc vous allez mentir? Je ne mens jamais, protesta-t-il avec une franchise merveilleusement jouée. Aux femmes, ça ne compte pas. Je donnerais tout au monde pour savoir comment, en si peu de temps, vous êtes devenue une femme du monde si accomplie. Ah, vous trouvez? Eh bien, mon cher, c'est encore mon secret. Me direz-vous, au moins, si vous êtes l'épouse ou l'amie de quelqu'un? Si vous êtes libre de vos actes, de votre cœur, si un autre possède cet amour, la seule chose qu'un homme puisse envier? Tout cela est plus que jamais mon secret. Daignerez-vous me le révéler plus tard? Je ne dis pas non. Je verrai, si toutefois cela peut vous intéresser. Vous êtes désespérante, Germaine. Et vous, comte, bien indiscret. Je vous aime. Encore? Toujours. Vous verrai-je demain? Non. Pourquoi? Un caprice. Je ne recevrai pas. Vous devez vous ennuyer mortellement dans cette solitude. Qui vous fait penser que je vive seule? Je ne sais pas. Les apparences? Elles sont souvent trompeuses. Puis elle ajouta après un coup d'œil à la pendule. « Mais l'heure avance. Je vais être forcée de vous renvoyer. J'ai affaire cet après-midi. Au revoir, comte. » « Au revoir, Germaine. » Quand il fut dans la cour, le comte vit une voiture attelée toute prête à partir. Il se dit qu'il pourrait, dès ce moment, essayer de suivre Germaine, avant même de la désigner à la surveillance de ses hommes. À cet effet, il prit une voiture, s'y installa, dit au cocher de surveiller la porte de l'hôtel et de suivre coûte que coûte l'équipage qui allait sortir. Son attente dura près de 3 quarts d'heure. Déjà, il commençait à désespérer, croyant que Germaine l'avait trompé, quand brusquement la porte s'ouvrit. Le comte eut le temps d'apercevoir à la portière le gracieux profil de Germaine et aussitôt le coupé s'élança. Le cocher de fiacre enveloppa d'un coup de fouet sa rosse minable et prit qu'à la chasse d'une allure dégingandée. Un quart d'heure après, Germaine arrivait à la gare Saint-Lazare. Elle monta lestement les degrés, s'approcha d'un guichet et prit un billet. Quand elle eut disparu dans la salle d'attente, le comte passa au même guichet, demanda à tout hasard un billet pour Poissy et attendit que les salles fussent ouvertes. Il vit de loin Germaine gagner le train et monter dans un compartiment de première. Il s'installa en 2e classe et, flairant un mystère, attendit patiemment le départ du train. Il était alors 3h25. Le comte surveilla très attentivement les voyageurs qui descendaient à chaque station et, n'apercevant pas Germaine, se demandait « Où peut-elle aller ?» On arrivait à Maison Laffitte à 3h53. Le comte eut un brusque sursaut en voyant Germaine quitter son compartiment et s'acheminer vers la sortie. Il la suivit des yeux, espérant pouvoir bientôt commencer une filature sérieuse. Quant à sa stupéfaction, Germaine monta dans une voiture qui stationnait à 100 pas de la sortie. Il entendit un claquement de portière et, tout déconcerté, vit disparaître la voiture dans un tourbillon de poussière. Vainement, il interrogea les employés de la gare, leur distribua force pièces de 100 sous. Nul ne put lui offrir le moindre renseignement sur Germaine. Il attendit, tout dépité, le premier train pour revenir à Paris, et un homme d'action dressa sans plus tarder ses batteries. Rentré à 5h30, il filait sans désemparer rue de la Victoire et convoquait ses deux hommes de confiance, Pierre et Laurent, à un mystérieux conciliabule. Bamboche arrivait à 6h prendre les ordres avant de disposer de sa soirée. D'un mot, mon Dieu l'arrêta. « J'ai besoin de toi ce soir, » lui dit-il brièvement. « Il y a une expédition, et tu vas recevoir une sérieuse leçon de cambriolage. »« Quelle tenue, patron ?»« Tu te camoufleras en rôdeur de barrière. » Pierre et Laurent t'accompagneront. Je serai là aussi. Rendez-vous à 10h. »